Si Roma succombe, mutter di fis e mor. Assi che moi tous vorrò vole dire, lontos avec courage, il avait combattu. Il reste seul contre trois adversaires, et n'espero plus là de sa haute vertu. Sa fuite la sauve du destin de ses frères. Au crime, tout la haute rejaillit sur nous. Ô fils lâche et perfide, opprobre de ma vie. Arrêtez, ne les pleurez pas tous, que jouissent de ça.